T'arrêtes pète ta vie à vous, là je me fie à vous la mienne. Putain vu chaîne, je donne mon avis. Vu vite et vite, écoute pas, ta vie à fond, pas vite pas le mal, c'est pêle-mêle qui arrive, faut pas. Faut pas déconner, fais décoller ton âme dans cette décomé. Vas-y, dance, faut que ça bence, faut qu'on veut que ça, je veux que ça te fasse plaisir sans suspense. Kiff qu'est-ce clair, est-ce clair, j'ai la classe clair, j'glisse sur la vibe, kick les volascars. Va hyper fort, parfait, j'parfais mon flow frère, faut le faire, sans tu des efforts, j'perds fort. Ton cortex est encore checks, ce soir bouge, ton corps faut que tu sois sexe. D'accord, d'accord, ça c'est dans mes cordes, ok si que ça corde. T'as le temps, attends putain, j'ai pas le bon timbre. Bap tout ma kiff, m'envoie mon timbre. Vois-tu la merde, 100 fois, j'l'ai vaincu, nique sa mère, j'ai perdu la foi et j'en suis convaincu. À force, j'vais devenir à fond, dès la forme. Seulement quand j'ai le microphone, check ma vibe. Ça vient du Northside, et ça kiffe ton style. Pêle-mêle. Putain, mets ta vie à vous, là je me fie à vous. La mienne, putain vu, chienne, donne mon avis. Vu, vite et vite, écoute pas, vite ta vie à fond. Pas un vite, pas le mal, c'est pêle-mêle car je vais pour pas. Elle plaît ta vie, là je me fie à vous. La mienne, putain vu, chienne, donne mon avis. Vu, vite et vite, écoute pas, vite ta vie à fond. Pas un vite, pas le mal, et faut arriver pêle-mêle. C'est pêle-mêle, pourtant je vis dans plein de mille. Sur chaque rime, c'est nos vies qui sont des lesbiennes. On vit la même, donc on se clique pour rien. On se fait mal, donc ensemble on est que des vauriens. C'est la merde et le seum qu'on est en train de s'aimer. Donc sur ce track, c'est une morale que j'assène. On distingue les vrais des baltrinques, c'est le chaos. Mais au fond, dehors, les baltrinques. Pourquoi tu parles au fond, tu sais pas, c'est le mode de vie. Tu rêves qui fait que tu sépares ce que tu ressens avec ce que tu fais. C'est la teuf ce soir, s'il te plaît, arrête de bluffer. Et ouais, man, ce soir y'a boisson. Ton poisson, le son est une merde et toi un poisson. Suis la vibe, on pète au cloison, on tease, on oublie la vie de poison. Pourtant sec, on profite la fête, full boxon. Mais au final, la fête est une quête qu'on cherche. Au fond, c'est en profiter le monde ailé. Donc j'essaye de l'éviter à force. On se détruit la cervelle à force. La fête devient séquelle, mais qu'est-ce tu veux. La vie c'est pêle-mêle, franchement, qu'est-ce tu peux. Putain, mets ta vie à vous, là je me fie à vous. La mienne, putain vu, chienne, donne mon avis. Vu, vite et vite, écoute pas, vite ta vie à fond. Pas un vite, pas le mal, c'est pêle-mêle, car je les faut pas. Elle plaît ta vie, à vous, là je me fie à vous. La mienne, putain vu, chienne, donne mon avis. Vu, vite et vite, écoute pas, vite ta vie à fond. Pas un vite, pas le mal, et faut arriver pêle-mêle. Putain, mets ta vie à vous, là je me fie à vous. La mienne, putain vu, chienne, donne mon avis. Vu, vite et vite, écoute pas, vite ta vie à fond. Pas un vite, pas le mal, c'est pêle-mêle, car je les faut pas. Elle plaît ta vie, à vous, là je me fie à vous. La mienne, putain vu, chienne, donne mon avis. Vu, vite et vite, écoute pas, vite ta vie à fond. Pas un vite, pas le mal, et faut arriver pêle-mêle. SX, JB, SM3, Odette Lab, Martel Prod, Martel Prod, Martel Prod, Prod, Prod, Prod. Putain, mets ta vie à vous, là je me fie à vous. La mienne, putain vu, chienne, donne mon avis. Vu, vite et vite, écoute pas, vite ta vie à fond. Pas un vite, pas le mal, c'est pêle-mêle, car je les faut pas. Elle pète ta vie, à vous, là je me fie à vous. La mienne, putain vu, chienne, donne mon avis. Vu, vite et vite, écoute pas, vite ta vie à fond. Pas un vite, pas le mal, et faut arriver pêle-mêle.